Et voilà pour nos deux heures de dialogue. Ciao, ciao à tutti. On revient donc lundi pour commenter ce pays avec sans bus ou sans train. On verra. À lundi. Vous écoutez Vivacité, il est 11h. Les infos avec Delphine Vreux. Bonjour Delphine. Bonjour. Pour les cheminots bruxellois, la grève est finie. Les trains rouleront ce week-end, déclarent les Bruxellois de la CGSP et de la CSC en cœur. Selon eux, des avancées sont constatées dans les négociations. Et les agents qui s'étaient mis en grève spontanément sont, dit-il, disposés à reprendre le travail. Par contre, les représentants nationaux des syndicats, eux, se montrent plus nuancés. Ils sont à une nouvelle réunion de négociations et affirment attendre le résultat de cette rencontre avant de se prononcer sur la fin du mouvement. De gros moyens déployés pour tenter de retrouver cet homme qui a disparu alors qu'il voulait sauver ses ruches des eaux à Arcin. C'est près de Nassogne en province de Luxembourg. Les recherches reprennent de façon très méthodique. Une réunion se termine pour décider qui fait quoi. Police locale, protection civile, pompiers, département de la nature et des forêts participent aux opérations. Hier, les habitants de plusieurs villages sont restés bouche bée face à la montée des eaux. Plusieurs cours d'eau, dont la Ouham, ont débordé. En quelques minutes à peine, cette eau est entrée dans les habitations. À Nassogne, où le ministre-président wallon, Paul Magnette, va arriver, mais aussi à Gemelle, 80 cm d'eau à certains endroits, plusieurs habitations inondées, 15 cm d'eau dans les caves de l'école communale. Mais l'établissement a pu ouvrir ce matin. Comment rattraper le temps perdu à Roland-Garros? Eh bien, en faisant jouer les demi-finales dames et hommes le même jour. Résultat, de grosses pointures aujourd'hui sur les courts. Serena Williams, Stan Wawrinka, Andy Murray, bien sûr le numéro 1 mondial Novak Djokovic, qui sera face à Dominic Thiem, tombeur hier de David Goffin. Et Kim Clijsters joue le tournoi des légendes à Roland-Garros, mais elle joue enceinte, elle attend son troisième enfant. Et la Belge l'a annoncé ce matin, cette fois, ce sera un garçon. La météo, retour au calme, mais toujours très gris. Et cet après-midi, de nouveaux orages devraient éclater. Ils viendront d'Allemagne et des Pays-Bas. Côté température, 14 degrés en bord de mer, 18 à Bruxelles. Le week-end sera gris, humide et doux, mais les averses seront un peu plus rares. 24 degrés demain et 25 dimanche. Un point RTBF Mobile Info avec Caroline Gillet. La Nationale 4 est ouverte. Exactement, elle a été rouverte il y a peu dans les deux sens à hauteur de bande. La Nationale 849 entre Fourrières et Fourneau-Saint-Michel, elle aussi, est rouverte dans les deux directions. Par contre, vous ralentissez toujours dans le chantier de l'E42 Prume-Bâtisse à hauteur de Polleur. 4 km de ralentissement en direction de Bâtisse. Dernier ralentissement aussi sur le ring de Bruxelles. C'est en circulation intérieure entre Grand-Bigard et Zélic vers Vilvoorde. Vous perdez tout au plus 5 minutes. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et c'est parti pour deux heures en compagnie de l'équipe d'On est pas des pigeons. Merci Delphine, retour de l'info à midi. Jusqu'au 5 juin, profitez des conditions printemps sur les châssis et portes Bellisol en PVC, aluminium et bois. Rendez-vous dans l'un de nos showrooms ou sur bellisol.be. Bellisol. De 11h à 13h sur Vivacité, On n'est pas des pigeons, Sébastien Nolvaux. Bonjour les amis. Bonjour. Ça va bien? Bien. C'est la dernière de la semaine et on va s'éclater. Vous savez, ça qu'on va s'éclater. Dans cette émission, il y aura à boire et à manger, Aurore, comme dans le journal de la conso d'ailleurs. Oui, alors, à boire avec des petits émoticônes autour de la bière belge. Ouais. Vous savez, ces petits symboles qu'on utilise pour les SMS. Ouais. Voilà. Et puis, donc ça, c'était à boire et à manger avec un hamburger spécial d'une personnalité, autour d'une personnalité de la RTBF. Je peux pas vous dire qui. D'accord. C'est le suspense. On a hâte. À propos de manger, on va recevoir aussi des gens qui ont lancé une petite entreprise sans recettes de lasagne ou autant de tiramisu. Devinez comment s'appelle leur petite entreprise? Lasagne, tiramisu. Lasagna. Non, mais écoutez, on va goûter ça. Ils en ont pas 100 tous les jours, hein, mais toutes les semaines, il y en a... 5 tous les deux jours qui sont reprises dans une liste de 100. On va parler de ça avec eux. Avec Samy, on va se pencher sur l'industrie du compact disque. Oui, ça sent le sapin pour le CD. Franchement, on a les derniers chiffres, ça va très mal. J'avais oublié que ça s'appelait un compact disque. Un compact disque. Et puis, l'occasion de peut-être de préparer nos vacances si vous allez à la mer, du moins si la mer est transparente, faire du snorkeling. Vous faites de temps en temps du snorkeling? Vous savez, c'est le masque palme tuba, quoi. Non. Très agréable en Australie, par exemple. Oui, par exemple. À la mer du Nord, je sais pas. Oui, je sais pas. On verra tout ça, ce qu'il faut acheter comme équipement si c'est le cas, si on a envie de se lancer là-dedans. Ce sera dans le courant de cette émission. Si vous avez des choses à nous dire, c'est sur Facebook aussi que ça se passe. Oui, sur notre page On n'est pas des pigeons. Et puis comme c'est vendredi, c'est le jour des bisounours, on attend vos coups de cœur. Donc si vous êtes content d'un service après-vente, d'une administration ou de n'importe quoi, dites-le nous sur la page On n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi envoyer un mail, l'adresse est pigeon@rtbf.be, et notre répondeur est là aussi au 070 222 660. Côté musique, il y aura un souvenir de dingue. Jimmy Somerville et les... Non, c'était pas les Communards, c'est encore avant, c'était les Bronski Beat à l'époque, avec ce souvenir de Runaway, Turnaway, machin chose. Et Laurent Voulzy sera là aussi. Le pouvoir des fleurs, ça c'était dans les années 90. Vous écoutez Vivacité, ça on n'est pas des pigeons, jusqu'à 13h. Bienvenue tout le monde. Sur Vivacité avec le titre Miracle. Votre courrier est arrivé. Oh, nos jours, le papier. Nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. Hier, en radio et en télé, on vous parlait d'un nouveau scandale qui touche la marque Volkswagen. Certaines voitures consommeraient trop d'huile. Et ça, oui. Ça vous a fait réagir. Oui, un homme nous dit, j'ai eu le malheur d'acheter voici quelques années une Golf 5 et je devais ajouter un litre d'huile hors de prix tous les 1500 km. La concession me disait que c'était normal. L'appoint d'huile était d'ailleurs repris dans le contrat d'entretien. Fabrice aussi, il nous explique, et ce n'est pas le seul, que ce n'est pas nouveau. Les moteurs VW ont toujours consommé de l'huile, beaucoup d'huile. Oui, mais là, il y a des moteurs qui sont particulièrement incriminés, oui, sur certains modèles. Mmh. Et Testachas lance d'ailleurs une action collective contre VW parce que ça a fonctionné dans d'autres pays, puisque dans d'autres pays, genre aux États-Unis, VW a décidé de prendre à sa charge les frais de réparation parce que trop d'huile, ça encrasse le moteur et ça... Ça engendre pas mal de travaux. Si vous êtes intéressé, si vous roulez en VW, c'est sur le site de Testachat qu'il faut aller. Comme ça, vous aurez les modèles en question. Et l'action, en l'occurrence, si vous voulez y participer, vous pourrez vous inscrire. Voilà, comme ça, le dossier, il est complet. On poursuit avec autre chose qui vous a inspiré et fortement inspiré. Sans ce transition. Sont les urinelles, les petits cônes qui permettent aux filles de faire pipi debout. Oui, c'est Laure qui nous parlait tout ça hier en télé. Mag nous écrit, vu qu'on n'est pas outillé pour ça, Je suis curieuse de voir combien de temps la mise en place peut prendre. Ça doit pas être très glamour non plus d'installer le bazar avec les autres autour. J'imagine qu'elle parle d'un cas où on irait. Mais oui, on est à 5, on va se faire un petit bibibou. Mais non, je crois qu'elle imagine qu'on va aller dans les toilettes. Les noirs des garçons, voilà, c'est bien. Voilà, c'est ça, oui. Hein, les stations d'autoroute. Dans les toilettes des messieurs, exactement. Alors Céline, elle est convaincue. C'est bien conçu, je ne l'utiliserai pas dans la vie de tous les jours. Mais pour certains événements, ça vaut le coup d'en avoir un ou plusieurs s'ils sont jetables. Gwen aussi trouve que c'est pratique, surtout en festival, plutôt que d'attendre 2 heures après une toilette dégueu, celle qu'il dit. Marc nous écrit. Alors attention, Marc, il va nous faire des économies. Chez nous, les femmes qui font le gil dans certains villages se servent d'un chausse-pied. Oh mon Dieu. Comme ça, on fait du pierre deux coups. Chausse-pied. Ah ouais. Bah oui. Okay. Mais vous mettez. Bah le chausse-pied, c'est un peu comme si c'était. Oui, mais là, cône, à mon avis, t'en fous quand même un petit peu partout. Ouais, ça doit être un petit peu. Oui, mais enfin, quand les femmes font le gil, vous imaginez, voilà. Fin... Quoi? Bah attention ce que tu vas dire, tu vas avoir des problèmes. Bah, il y a un moment dans la journée. Mais chausse-pied, c'est pour faire pipi ou pour faire caca? Non, pour faire pipi. Mais il est fou, ce garçon est fou. Et puis le commentaire de Daniel, elle faisait pipi debout, c'est peut-être un détail pour vous. 3 petits points. Pour moi, ça veut dire beaucoup. D'accord, voilà. On termine avec Quentin qui nous parle du site pharmacie.be. Oui, c'est un peu plus sérieux. Ça, le site est censé nous renseigner sur la pharmacie de garde dans notre région. Entre 22h et 9h, nous devons appeler le 0903 99000 pour 1,50€ la minute. Nous avons dû appeler pour une fièvre chez notre enfant. La facture de cette communication s'élevait à 6,50€. Dans les mentions légales de ce site, il est indiqué qu'il n'a aucune finalité lucrative et commerciale. Permettez-moi d'en douter. C'est vrai que 6,50€, juste pour avoir la pharmacie de garde... C'est un petit peu beaucoup. C'est un petit peu beaucoup. Si vous avez d'autres réactions, n'hésitez pas. C'est sur Facebook que ça se passe. Mais on rappelle Aurore les différents moyens aussi de joindre la rédaction. Oui, il y a aussi le mail. Pigeon. Au pluriel. On a du mal. C'est la fin de la saison. Pigeon, on a du mal. Pluriel hein. @rtv.be. Le répondeur 070 222 660 et le SMS 3063. Dans quelques minutes, souvenir des années 80 avec les Bronski Beats. Et puis nous irons faire de la randonnée aquatique. Voltaren est un médicament au diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Aujourd'hui, on va travailler les genoux. On va dans le potager et on plie les genoux, on fait un trou, on plante un chou et on se relève. Et un et deux et trois petits trous, on relâche bien les genoux et on y retourne. Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren et Mulgel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. Ah, salut Elsa. Et alors ce surf au Portugal? La cata. Ah, t'as foncé sur un autre surfeur? Non, ça non. Attends, une vague géante? Non, une baleine t'a englouti? Ah ben non, parce que j'ai même pas mis un doigt de pied dans l'eau. Mais non. Eh, la honte, j'ai trébuché sur un ridicule château de sable, là. Oui, ben voilà, ligament déchiré. C'est pas drôle. Oh. Avec l'assurance voyage d'Europe Assistance, vous êtes tranquille dans le monde entier. Même ce que vous n'avez pas imaginé, nous y avons pensé. Protégez-vous à partir de 20€ sur europeassistance.be. You live, we care. Cette semaine avec Femmes d'aujourd'hui, le magazine délices et ses recettes pour cuisiner comme en Italie. La vie est belle avec Femmes d'aujourd'hui, tellement nous. Toujours vivant. Renault est toujours debout. Et Vivacité est toujours fan. Toujours debout. Le 7 juin prochain, Renault recevra à Paris le disque d'or de son dernier album pour ses ventes réalisées en Belgique. Toujours vivant. Si vous lui remettiez ce disque, Vivacité vous offre cette opportunité exceptionnelle. Vous êtes le plus fidèle des fans de Renault. Trouvez-le vite sur vivacité.be. Il découvre RTBF Ovio. Et donc là, je suis dans la rubrique enfant, il y a les Schtroumpfs, le petit Spirou, et je peux regarder ça quand je veux, où je veux. Si je loupe une émission radio, je peux l'écouter en podcast. Oh, c'est super. Rendez-vous sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Vivacité à Liège. En toute complicité. Sur 90.5 FM. Oh, Jimmy Somerville et les Bronski Beat en 1984. Small Town Boy, Jimmy Somerville, qui a une voix particulière quand même. Hein. Son pantalon est trop serrant. Oui, c'est ça en fait. C'est juste une taille de slip trop pas mal adaptée. Oui. Il prend la taille au-dessus. Ou sa maman lavait la lessive beaucoup trop chaud. Il prend une taille au-dessus et il chante comme ça. Il était tout petit et tout maigre. Il est toujours aussi, il est pas mort. Vous avez des nouvelles, il va bien ? Il nous écoute d'ailleurs. On lui fait un gros bisou, Jimmy. On n'est pas des pigeons. Nous allons peut-être partir bientôt en vacances. Mettons-nous dans l'ambiance. Qui sont les snorkies? Tu te rappelles de ça? Oui, oui. Ça, les petits amis. Le vieux dessin animé Snorky. Pourquoi on parle de Snorky? Parce qu'on va parler de snorkeling. Mais c'était le principe, les snorkies avaient une espèce de petit tube au-dessus de la tête. Voilà, voilà. Alors le snorkeling, on se jette à l'eau avec Paul-Henri Burion. Pour faire du snorkeling, on a besoin de quoi? C'est quoi ce sport d'abord? Est-ce que c'est un sport, Paul-Henri? Bah oui, c'est une belle activité à pratiquer effectivement durant les vacances. Alors le snorkeling, Sébastien, c'est une activité aquatique d'observation des fonds et des espèces vivantes. Alors c'est de la randonnée palmée qui se pratique sans bouteille, en alternance les phases de respiration à l'aide du tuba et puis aussi de plongée en apnée. Palme, tuba, masque, c'est le minimum du minimum. Quand on va dans des eaux plus froides aussi, eh bien on peut se munir d'une combinaison, mais ça c'est vraiment dans des contextes particuliers. Revenons au matériel de base, vous l'avez dit, masque, palme, tuba. Comment on choisit tout ça si on a envie de se lancer dans ce genre d'activité? Alors pour y voir un petit peu plus clair, ce que j'ai fait, j'ai rencontré un instructeur de plongée, Victor Yazbek, qui nous a déterminé, avec lui, on a déterminé les trois ensembles masque, tuba, palme. On s'est fixé une entrée de gamme à 39 euros. On a aussi déterminé le moyen de gamme pour 65 euros et du haut de gamme à 123 euros. Alors au niveau du masque d'entrée de gamme, ce qu'on a constaté, c'est qu'on avait une matière silicaire, c'est une matière un peu plus dure. Et pour le haut de gamme, ce qui est utilisé en général, c'est le silicone, donc c'est plus souple. Il faut moins serrer le masque et donc c'est plus confortable. Au niveau des palmes, les moins chères ont des voilures en général plus petites et plus vous montez dans le haut de gamme et plus ces voilures sont grandes et souples et donc vous avancez mieux dans l'eau. Pour les tubas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a chaque fois opté sur un système soupape, c'est-à-dire que quand vous êtes parti en apnée et que vous remontez à la surface, la soupape, vous n'avez pas besoin d'expulser l'eau par le sommet du tuba, mais bien par le bas. Donc, il faut souffler moins fort. Exactement. Et d'accord. Donc, pour ceux qui ont un souffle moins important, ben voilà, c'est une option intéressante aussi. Mais on trouve ça dans les trois niveaux de prix. Alors, les masques, palmes et tuba, vous les avez testés en piscine? Oui. On est allé à la piscine de Saint-Servais à Namur pour ne pas la citer. Puis là, j'ai rencontré deux experts et à trois, on s'est fixé un petit programme d'aller-retour. On a été dans le fond de la piscine, on est revenu, on a testé l'ensemble du matériel. Et ce qui s'est passé, c'est que pour Patrick, lui a opté pour l'entrée de gamme, Anne-Marie pour le haut de gamme et moi pour le moyen de gamme. C'est-à-dire que ce qu'on a constaté, c'est que ce qui était déterminant dans le choix du matériel, c'est la morphologie du masque et les différentes morphologies visage qui nous ont fait prendre des options différentes en fonction des matériels qu'on nous a proposés. Bon, on tire quoi comme conclusion après ce petit test? Moi, je dirais que ce qui est déterminant, c'est le choix et le confort du masque. Et il y a un petit test que Victor m'a appris et m'a rappelé, c'est que il suffit de poser le masque sur le visage, sans l'élastique. Vous faites une inspiration, il y a un effet ventouse qui va se créer. Mm-hmm. Et si ce masque tient sans avoir mis l'élastique, c'est qu'il correspond à votre visage. Donc ça, c'est un test à faire avant tout achat. Et donc, un entrée de gamme peut très très bien vous conduire. Maintenant, il faut aussi déterminer la fréquence. Ça ne sert à rien d'aller débourser 120 euros pour un ensemble si c'est pour aller une fois pendant les vacances, si on compte toute la famille. Donc, le moyen de gamme, ce que je veux dire, c'est que le moyen de gamme peut très très bien convenir une fois que le test du masque, parce que c'est quand même prépondérant, avoir l'infiltration dans ce masque, c'est la galère. Donc, voilà, c'est vraiment je retiendrai ce test ouvertes sur, en fonction de, du budget que vous voulez consacrer. Donc voilà, effectivement, il ne faut peut-être pas se lancer dans un achat démesuré non. C'est juste pour aller faire un petit tour en vacances dans la Méditerranée et avec un peu de chance dans la mer du Nord. Mais là, il faut vraiment envie de découvrir je ne sais pas quoi. Des poissons morts. Non, arrête. C'est le sable qui fait qu'elle est un petit peu brune, l'eau là-bas. Mais il y a peut-être moyen, en allant très très loin, de découvrir des bateaux dans le fond de la flotte. Je doute. Donc, Paul-Henri, effectivement, on fait attention au budget, on fait attention à exactement ce dont on a besoin. Et encore une fois, c'est quand même une activité hyper sympa à faire en famille avec les enfants. On ne prend pas trop de risques. Et donc, moi, je dirais, ben voilà, on budget bon père de famille, on fait tester les enfants sur le masque et l'entrée de gamme peut très bien convenir si on fait ça pour les vacances. Maintenant, moi, j'ai fait ça une fois. Anecdote que je vous raconte, j'ai fait ça une fois. C'était... Au Mexique, j'ai eu le dos cramé parce qu'il faisait beau dehors et tu t'amuses à voir les... Donc, faut pas oublier de mettre de la crème solaire sur le dos. Et alors, en allant plonger et en allant voir les poissons, il y a un gros poisson, je m'attendais pas du tout à sa tronche, à celui-là, qui est sorti derrière. J'ai eu les boules de ma vie. Franchement, j'ai failli me faire pipi dessus, mais en même temps, j'étais dans l'eau, donc ça ne s'est pas vu. Donc, voilà pour la petite histoire. Merci Sébastien. De rien. Et on reparle de ça et on voit ce test ce soir à la télé à partir de 18h30. Kova Outils, le spécialiste liégeois de l'outillage professionnel, inaugure son nouveau showroom dédié aux machines bois et métal. Une gamme unique à découvrir ce vendredi 3 juin, de 10 à 18h. Pour l'occasion, démos et offres spéciales sur toute la gamme. Kova Outils, dans le zoning de Bonne Fortune, à Grasse-Ologne. Kova-outils.be. Kova Outils, l'outillage professionnel pour les professionnels. 5 secondes, ce n'est pas assez? Ce morceau en entier passe bientôt sur Vivacité. Vivacité et la ville de Liège présentent Liège Italia, un véritable village italien au centre de Liège. Produits du terroir, danse folklorique, chanteurs italiens, rassemblement de véhicules typiquement italiens dans le cadre des 70 ans de l'immigration italienne, exposition, un avant-goût de vacances, du 1er au 5 juin, place Saint-Lambert. Moustique. Cette semaine avec Moustique, faites du bruit pour nos diables. À ne pas manquer, dossier spécial Euro 2016. Un poster de notre équipe nationale et en exclusivité, l'indispensable Diabolica Moustique pour 4,40€ seulement. Moustique, l'hebdo qui... Les Angry Birds, y a plus rien à casser. Oh. Mais on va tout reconstruire grâce au Citroën Berlingo. Yeah. On est plus efficace avec un utilitaire Citroën. En ce moment, jusqu'à 6 000€ d'avantage sur les Citroën Berlingo, disponibles immédiatement. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Angry Birds, le film, uniquement au cinéma. Je voudrais qu'on se révèle être plus avisé. Je voudrais qu'on se revienne, tienne, plus allié. Te retourne pas, nous allons briller. Balançons nos miroirs dans le passé. Le passé. There's no problem, on restera les mêmes. There's no problem, on restera les mêmes. There's no problem, on restera les mêmes. There's no problem, there's no problem. Je voudrais que ça nous concerne, certes. Je voudrais qu'on se réveille sous les alizés. Je voudrais que l'on s'entraîne, certes. Je voudrais que l'on s'aime même sans se déclarer. Te retourne pas, nous allons briller. Balançons nos miroirs dans le passé. Se démêle. Et si on retournait la scène? There's no problem. Dolar Imrich, There's No Problem, on restera les mêmes. C'était Suarez, il sera en concert avec Vivacité en décembre prochain. Ce sera à l'ancienne Belgique. Si vous êtes fan, c'est déjà maintenant qu'il faut aller dans l'agenda. On part sur les routes, 11h28, comment ça se passe, Caroline Gillet? Eh bien ça se passe beaucoup mieux puisque la Nationale 4 et la Nationale 849 sont rouvertes à la circulation, toutes les deux. Plus de soucis donc dans ce coin. Vous ralentissez beaucoup moins aussi sur le 42 de Prume-Baptiste dans le chantier de Poller. 4 km de ralentissement et une petite dizaine de minutes supplémentaires vers Bâtisse. Dernier ralentissement, les tout derniers sur le ring en circulation intérieure entre Grand Bigard et Zélic en direction de Villefort. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et pour la suite, on passe au journal de la conso. Aurore, toute la presse en parle aujourd'hui. Les lampes LED ne seraient pas terribles pour la santé. Oui, c'est carrément le Conseil supérieur de la santé qui met en garde contre ce type de lumière. La forte intensité lumineuse peut abîmer la rétine de certaines personnes et avoir un impact sur l'horloge biologique. Ça concerne aussi bien les lampes que les écrans plats, ah. Et c'est là, mais oui, donc tablettes, etc. aussi. Donc les lésions à la rétine sont surtout vraies pour les personnes dont le cristallin filtre moins la lumière bleue, comme les enfants de moins de 8 ans et les personnes qui ont été opérées de la cataracte et qui ont un cristallin artificiel. Cela impacte aussi donc le rythme biologique en faisant croire au corps qu'on est en plein jour alors qu'il est temps d'aller dormir, par exemple. Vous savez qu'on vend des lunettes qui filtrent cette lumière bleue, ça coûte assez cher, hein, genre d'accord. Dans les 200 euros, mais... Ça vaut peut-être la peine pour les personnes, oui, voilà. On va les tester. Oui. Puisque c'est dangereux, ces trucs-là, voilà. Qui sont là partout. Oui. Bon, on va tester ça. Dans la DH du jour, on parle des déclarations fiscales, mais surtout des montants qui n'ont pas encore été remboursés en 2015. Oui, à l'heure où bon nombre d'entre nous ont ou va remplir sa déclaration, on apprend donc que 59 millions... n'ont pas été remboursés en 2015 parce que le numéro de compte n'a pas été communiqué ou qu'il n'était pas bon. Donc, autant y penser. Il y a aussi encore des retards. Hein, il y a encore des retards. Hein. Oui, mais en plus, ici, on parle que des personnes qui n'ont pas rempli le bon numéro. Mais c'est bête. Il y a quand même 70 000 contribuables qui ont foiré leur déclaration de cette façon-là. Heureusement, une cellule spéciale est chargée de mener l'enquête pour retrouver ces distraits. Attendez, moi, j'ai mieux. Moi, j'ai été remboursé, mais sur le mauvais numéro de compte. C'est arrivé sur le numéro de compte d'un notaire que je ne connaissais pas. Donc, j'ai mis un mois. Et oui, ça peut arriver aussi. Ah, on s'est planté dans le numéro de compte. Vous avez récupéré J'ai récupéré, mais j'ai dû attendre, évidemment. Oui, merci. C'est ça, c'est l'État. Il en manque. Il a été gentil, notaire, parce que je crois qu'on n'est pas moment, obligé. À un moment, il n'a rien dit, mais... Tu sais quoi, si ça avait été remboursé sur mon compte à moi... T'aurais rien dit. Mais évidemment, je te connais. Ouais. Dans la presse du jour, on parle aussi de nouveaux émoticônes. Oui, les beer emojis. 60 petits symboles que vous pouvez utiliser sur les réseaux sociaux dans vos SMS. C'est la Fédération des Brasseurs Belges qui a eu l'idée. Ils en avaient marre qu'il n'y ait qu'un émoticône qui fait penser à, je cite, une chope de bière allemande, alors que notre pays regorge de bières formidables. Ces 60 beer emojis sont disponibles gratuitement. Vous pouvez les télécharger sur App Store et Google Play. Vous tapez des noms genre Belgian beer emoji et vous les trouverez facilement. Et puis on termine avec un burger un petit peu particulier. Il est disponible à Herve. Oui, c'est le Kiki Burger en hommage à Kiki l'innocent. Mais non! Si, vous le retrouvez, vrai. Donc le fameux Kiki qu'on retrouve dans le Grand Cactus en télé, en radio sur Vivacité, etc. La le friterie, supporter du standard. Ouais, la friterie du centre, donc on est à Herve, je vous le rappelle, vient de donner le nom de Kiki, natif du coin, un burger de 800 grammes composé de 8 étages. Oui. Et pour couronner la construction, des cornes en plastique qui rappellent le personnage de Kiki l'innocent. Ça coûte 24 euros quand même, cette petite fantaisie. Oui, mais dites, 800 grammes, 8 c'est étages. C'est pour tuer quelqu'un, ça. Non, mais 8 étages, ça fait 16 morceaux. Faut, faut une grande gueule, hein. Faut une grande gueule. Comme Kiki, finalement. Voilà. Voilà, l'un est dans l'autre. Si vous avez des choses à nous dire, c'est sur Facebook que ça se passe, mais ça, on s'en fout, ce sera pour tout à l'heure. Si vous avez des fleurs, restez avec nous, parce qu'elles ont du pouvoir, ces fleurs, et c'est Laurent Voulzy qui vous le dit. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vaza, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé.

collector. Hein. C'est carrément en train de disparaître ce truc. On appelle ça le CD. Vous vous souvenez du bon vieux compact disque. Alors, petite question. Vous avez acheté votre dernier CD quand C'était il y a longtemps, Sébastien. Non, l'année dernière. La danse des canards, le remix. Le dernier album de London Grammar. Carlo qui vient de nous rejoindre. Est-ce qu'il a acheté un CD récemment? J'ai décédé dans ma bagnole encore, oui. Et vous en avez acheté dans ta voiture quand, la dernière fois? C'était quoi, je sais pas, mais j'aime bien les chanteurs français morts. Donc, j'ai acheté une compile de Brassens ou un truc pareil. Mais écoutez, donc si vous avez acheté un CD il n'y a pas longtemps, moi je vous dis bravo, car ça va très mal pour le CD. Alors vous allez me dire, ça fait 10 ans qu'on annonce la mort du CD, alors tu arrêtes ton show. Mais non, je suis tombé sur cet excellent article de notre confrère du soir, Didier Zachary. Il pose simplement la question, qui vend encore des disques aujourd'hui? Aux États-Unis, le top 3 des meilleures ventes d'albums, début mai, ce sont Drake, Beyoncé et Radiohead. Okay. Or, aucun de ces albums ne sont sortis sous forme d'album physique. Tout s'est vendu en ligne, donc. Alors, depuis 2015, on vend plus de musique en streaming ou en téléchargement aux États-Unis que de disques. En Europe, on fait encore un petit peu de résistance. Chez nous, c'est 60% des revenus de l'industrie musicale qui proviennent du disque. Mais la tendance est à l'essoufflement. Alors d'ailleurs, il y a quelques années, ceux qui achetaient des disques, c'était les plus de 26 ans. Aujourd'hui, on remarque que ce sont les plus de 50 ans qui sont majoritaires. On a au téléphone Olivier Materling, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes de la Belgium Entertainment Association. Vous représentez en gros les producteurs de musique de film, de musique, de jeux, de vidéos, tout ça en Belgique. Comment ça se passe au niveau du CD chez nous en Belgique? Je crois que ça suit un peu la tendance en Europe, c'est-à-dire que dans les pays, en Belgique et des pays limitrophes comme les Pays-Bas, la France, l'Allemagne, même l'Angleterre, on a un marché physique qui est encore assez important. Donc ça veut dire que le CD il correspond quand même à une part de marché de plus de 50%. Mais c'est clair qu'on va déjà depuis 10 ans, hein, depuis la venue de iTunes, donc les téléchargements de musique en album, en single, on passe d'un marché physique vers un marché digital. Et puis la dernière tendance qui se fait sentir surtout dans les pays scandinaves, c'est une tendance vers, pas de posséder la musique, mais d'avoir accès à la musique. Donc je veux dire avec ça que les services de streaming comme Spotify, Deezer, Apple Music, il y en a une 5, 6 de services importants, ceux-là commencent à croître et prennent de plus en plus de parts de marché. Il remplace en partie le téléchargement, mais aussi le marché physique. Donc le mode de consommation change. C'est-à-dire qu'on prend un abonnement maintenant d'un an, on paye 10 euros chaque mois pour un service de streaming et on a toute la musique à disposition. Hein, c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. On peut se poser la question comment les artistes sont rémunérés sur justement des plateformes comme Spotify et même sur YouTube. Est-ce qu'ils sont rémunérés? Oui, naturellement, ils sont rémunérés. Mais il faut faire une distinction parce qu'on fait un amalgame de streaming. Donc, il y a au fait trois modes de streaming. Il y a le streaming, ce qu'on appelle le streaming linéaire. C'est des radios, hein, Pandora, Last.fm. Donc là, le consommateur n'a pas le choix. Il écoute une chaîne de une chaîne de radio, mais ça passe par Internet. Donc, c'est un signal de la musique qui est proposé de manière linéaire. Et puis, il y a deux autres systèmes qui sont non linéaires, et il y a plus ou moins, hein, en gros, il y a le système YouTube et il y a le système Spotify. Ça veut dire que dans le système YouTube, en fait, les revenus sont générés avec des revenus publicitaires, et donc le service est proposé gratuitement à la demande pour le consommateur. Et puis il y a un service à la demande qui a un peu plus de fonctionnalités, qui permet par exemple d'écouter de la musique hors ligne, donc on peut télécharger les morceaux et puis les écouter après, ouais. Et là, on paye un forfait mensuel qui est plus ou moins 10 euros. Et là, on a accès à la même base de données que la version gratuite, mais avec plus de fonctionnalités. Mais c'est ça l'avenir. Il y aura de moins en moins de CD. Mais en même temps, on reparle du retour du vinyle de temps en temps. C'est vrai que plus ou moins bien, je crois. Oui, on annonce. On annonce naturellement chaque année, vous l'avez bien dit dans votre introduction, chaque année on annonce la mort du CD. Bah oui. Depuis 10 ans, hein, j'entends ça chaque année. On me demande est-ce que le CD est maintenant vraiment mort. Non, il n'est pas encore mort. On vend quand même presque encore 5 millions de CD par an en 2015. Et disons que 2015 était une année un peu spéciale parce qu'il y a une tendance de stabilisation du Ça c'est en Belgique, hein. Ça, c'est en Belgique. Parce qu'au niveau mondial, bon, apparemment, lorsqu'on cite Beyoncé qui ne sort plus d'album physique, ça fait quand même peur. Hein. Donc, et vu qu'on suit un petit peu les États-Unis, est-ce que ça sent mauvais? Voilà. Mais justement, on ne suit pas les États-Unis parce que on est quand même dans un marché assez spécifique où le physique est quand même encore assez important. Et c'est notamment dû au fait que le marché digital est encore moins important que dans d'autres pays. Je vous donne deux exemples très concrets. Ouais, on va terminer avec ça. Pour les services de streaming, Spotify, Deezer par exemple, ben on compare ça à des pays comme les Pays-Bas et la Suède. Ben le marché en Belgique, le marché aux Pays-Bas est 7 fois plus important en revenus qu'en Belgique, et en Suède même 20 fois plus grand qu'en Belgique. Donc c'est un marché qui est en croissance, mais qui est quand même encore très petit. Ça veut dire des artistes qui vendent surtout sur un marché local, donc ça veut dire un marché belge ou un marché même flamand ou wallon, ben les revenus qui sont dérivés de streaming sont encore assez faibles, très faibles même. Dernière question, les cassettes. Est-ce que ça revient, les cassettes? Non, il n'y a plus personne qui sort son album sur les cassettes. Non, on va quand même garder nos CD. Olivier Materling, merci d'avoir fait le point avec nous là-dessus. On va quand même garder quelques CD. Je sais pas, moi, il n'y a pas un collector dans votre collection, Samy? J'ai plus rien, j'ai tout revendu. Vous avez raison, finalement. Pourquoi s'embêter? Ça fait de la place dans les tiroirs. Moi, j'en ai dans la boîte à gants. Oui, la boîte à gants. D'accord. Bah, écoutez, moi, j'aime bien aussi les objets. Ouais. Il y a encore de belles pochettes. Si vous avez des beaux objets comme des CD que vous ne savez pas quoi faire, alors soit vous nous dites sur la page Facebook, soit vous faites des brocantes, ou soit on vous invite un mercredi soir. Si vous faites, un blind test, un truc comme ça. On va trouver. Prête à surfer l'immense vague et trébucher sur un château de sable? Même ce que vous n'avez pas imaginé, nous y avons pensé. Votre assurance voyage à partir de 20€. Europassistance.be, you live, we care. Sélection, bonjour. Bonjour, Gert Verheyen à l'appareil. Vous offrez des réductions pour les footballeurs connus? Oui, monsieur Verheyen. Oui, spécialement pour vous, il y a des promos diaboliques. Et avec vos 50 sélections pour l'équipe nationale, oui, quand même, j'ajoute un pronostic. Oh, spécialement pour moi? Non, en fait, c'est pour tout le monde, mais voilà. Profitez de promos diables chez Sélection et participez à notre concours foot. Sélection, meilleur et pas plus cher. Ah, me parlez pas de météo, hein. J'ai chopé un de ces rhumes. Besoin d'un bon coup de booster pour le moral? Du 1er au 4 juin, profitez des jours soleil à Belle-Île. Moins 10, moins 20, moins 30, moins 40, moins 50%. 4 jours de prix éblouissants à ne pas manquer. Belle-Île en Liège. Oh, regarde! 30 jours de conditions maxi sur votre futur appartement neuf? C'est chez Thomas et Piron et nulle part ailleurs. Recours, 30 jours de conditions maxi sur une sélection d'appartements neufs Thomas et Piron. Porte ouverte ces samedis et dimanches de 14 à 17h dans notre bureau d'accueil situé rue de Lantin, près du 149 à Recours. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Offre soumise à condition. Vous voulez faire de bonnes affaires? Alors j'ai un bon plan pour vous, mais rien que pour vous, hein? C'est la braderie au shopping qu'aura Recours, mais chut! Et oui, de mercredi à samedi, Braderie a vous coupé le souffle dans l'hyper et toutes les boutiques du Shopping Cora Recours. Alors surtout, ne le répétez à personne et faites un max de bonnes affaires. Shopping Cora, toutes vos envies bradées dans un lieu unique. Yeah. morceau qui tombe à pic, ma foi. Hymne for the Weekend, c'était Coldplay. C'est délicieux, delicious. Que c'est bon. Voilà. En tout cas, ça sent très bon. En studio, José D'Alessandro, bonjour. Bonjour. Vous venez nous parler de lasagne et tiramisu parce que vous avez une société qui s'appelle Lasagna Tiramisu, comme voilà. Ça tombe bien. L'idée, c'est de ne vendre que ça, lasagne et tiramisu. Exactement. Et pourquoi se lancer uniquement dans ces deux produits? Écoutez, alors c'était un pari, si vous voulez. On vivait aux États-Unis, on se demandait pourquoi on mangeait tellement mal là-bas. Et pourquoi on pouvait pas faire une chaîne de bonnes choses italiennes. Mmh. Et alors on s'est rendu compte que le problème sont les pâtes, parce que vous pouvez faire les meilleures pâtes du monde, et vous sortez 10 minutes dans le froid, et vous pouvez les jeter à la poubelle. Mmh. Mais les lasagnes, c'est pas le cas. Les lasagnes D'accord. sont les seules pâtes que vous pouvez réchauffer, et sont encore mieux de quand vous les avez sorties du four. Ah mais oui, c'est non, très non, vrai. Non, ouais, le lendemain, c'est meilleur. C'est vrai que c'est vrai. Non, c'est une pâte qui ne demande pas ce al dente, etc. On pourrait étendre ça à toutes les pastas al forno, vous même avez... un cannelloni ou ce voilà. genre de choses. Voilà. Voilà. Alors, vous connaissez mes plans pour le futur. Alors. Vous rentrez en Belgique et vous vous dites avec votre épouse. Oui, avec mon épouse. Allez, on se lance là-dedans. Non, on est arrivé ici par hasard. C'était une autre vie. J'étais ce qu'on appelle un executive manager d'une grande entreprise. Je n'avais pas le bol. Et je voulais faire quelque chose qui m'intéressait plus, qui me prenait, sans politique, sans d'autres choses. Et alors, en certain moment, j'avais 44 ans, on s'est dit, ou maintenant, ou jamais. Ouais, ouais. Et alors, on a essayé. Alors, voilà. il y a un choix de lasagne énorme chez vous. Hein. Dans la journée, pas, mais dans le temps, oui, parce qu'on a plus de 150 recettes de lasagne. C'est possible de faire 150 oui, recettes différentes. Vous enlevez une petite plus de persil, hein, c'est une nouvelle recette ou... Plus ou moins, non. Considérez le nombre de recettes de sauce pour le pâte que nous avons en Italie. La défi, ça a été les adapter et aux vous lasagnes. Vous faites lasagne à le ragoût, à la bolognaise. Ah oui, ouais, quand même. Très très bonne. Parce que c'est quand même par là que tout commence. C'est non vrai, c'est vrai. Et c'est ce que je suggère tout, la première fois aux clients qui viennent chez nous, commencer pour la classique. Par ça. Voilà. Je peux Allez-y, vous donner... Carlo. Alors, j'étais sceptique quand je passais devant l'enseigne. Je vous cache pas, oui. Parce que lasagne et tiramisu, c'est un peu les deux tartes à la crème habituelles. Non, c'est et je lasagne. Suis... Ça n'a rien à voir. C'est... Mais oui. Enfin, tu vas te faire entarter avant la fin de l'année. Et donc, faut se dépêcher, je dois hein. dire que... là, je viens d'en goûter deux. La pâte fine, on sent que c'est une pâte fraîche maison. Elle a été... Vous la précuisez un peu à l'eau Oui, oui. Ouais, ça se sent, wow. parce que je les autres ne précuisent pas. Et aussi, quand on coupe la lasagne, toute la sauce ne se défait pas trop. Et donc, moi, je trouve que c'est vraiment un très bon produit. Il n'y a pas de crème alors, aussi dedans. Je suis 150 lasagnes, mais oui. par semaine, par jour, vous en avez par combien? Par jour, 4 ou 5. Ah, d'accord. Parce okay. que sinon, c'est impossible de donner la fraîcheur qu'on veut donner. Et donc, ces 4 ou 5 lasagnes tiennent la carte pendant combien de temps? Un jour, c'est ça. Oui, donc oui. vous changez. Oui, ça dépend aussi de combien le mangent les clients, mais normalement tous les jours le menu se change. Alors aujourd'hui c'est quoi? Aujourd'hui c'était classique, truffe, courgette et scamorza. Il y avait aussi très bonne fève et pecorino, aubergine où les aubergines ne sont pas frites. Donc c'est une tuerie. En tout cas, on peut le dire. Moi c'est mon plat préféré. La lasagne, j'ai un peu peur, mais là non, c'est bon. Hein. Très et très alors bon. Allez, on goûte le tiramisu. Oui c'est ça, tiramisu. Il y a autant de tiramisu. Oui, oui parce que si vous voulez, le tiramisu c'est une lasagne douce. Hein. C'est pas par hasard que notre motto c'est layers of pleasure, couches de plaisir. Parce qu'en effet, c'est une couche après l'autre de bonnes choses. Au moins, c'est ça qu'on essaie de faire. Ouais, ils s'amusent. Non, on est en train de se battre. On se bat avec Aurore à coup de tiramisu. C'est une vieille vengeance. Ouais. Voilà. Vous avez joué à pistache. Vous n'avez qu'un magasin pour l'instant. Deux magasins. Deux. Uniquement à Bruxelles. Le but est de se oui. développer... Oui, en Belgique d'abord et internationalement après. Vous retournez en Amérique. Ah oui, carrément. Tôt ou tard, il faudra. Donc, carrément, alors apprendre quelque chose. Ambition internationale, carrément. Oui, c'est et c'est pas compliqué comme ça, se dire, waouh, il faut quand même des plans et des appuis financiers. Voilà, quand même. Ça, c'était mon ancien métier, donc ça me préoccupe pas vraiment. Vous faisiez quoi je fais marketing pour la Coca-Cola, par exemple, aux États-Unis, voilà. D'autres choses. Donc, voilà. Mais, d'autres choses moins avouables. Et je vous avoue que le tiramisu, c'est vraiment une tuerie parce qu'on bon. Mange souvent du tiramisu comme ça dans des restaurants où on se dit bof, mais là, ils sont vraiment top. Et très pratiquement, si on va chez vous, si on veut une portion de lasagne emportée, oui. ça nous coûte combien? Alors, ça dépend. Si vous prenez la classique, 9 euros, et c'est tout. Si vous voulez quelque chose un peu spécial comme la truffe, etc., c'est 12 euros. Et une portion, ça pèse? 350 grammes minimum, hein, parce que le plat... Donc, on mange à deux. Mais à écoutez, le problème des lasagnes... Ça, c'est une portion, ce que j'ai oui, en main, là? Oui, le problème des lasagnes... Un et demi.

7 au 26 juin. Info opéraliège.be. Avec Vivacité La 3 et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vivacité, la 2 et le Conseil de la Musique présentent le village de la fête de la musique. Les 18 et 19 juin, retrouvez-nous au Parc du Cinquantenaire à Bruxelles avec Great Mountain Fire, Bachar Markelife, Dan San, Max Romeo et plein d'autres. C'est gratuit. Tout le programme sur fêtedelamusique.be. Allez-y en transport en commun. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Moustique le soir et Grand Casino Brussels Village. Vous écoutez Vivacité, il est midi. Les infos avec Delphine Vreux. Bonjour Delphine. Bonjour. Retrouvé, mais mort, le corps de cet homme emporté par les eaux hier à Arcin dans l'entité de Nassogne en province de Luxembourg. Le corps de l'homme a été retrouvé. Les opérations de recherche venaient de reprendre. Écoutez Didier Lambert, directeur des opérations pour la police. Oui, on a retrouvé un peu avant 11h, on a retrouvé le corps de la personne disparue dans un champ. Et on voit clairement que le champ a été ravagé par la crue. Deux témoins ont vu une personne voulant sauver les ruches de la crue. Ces personnes ont vu la personne tomber dans la rivière et tout de suite a disparu au regard des témoins. Le commissaire de police au micro de Sébastien Joris. À Nassogne, ce matin, les habitants n'en croient toujours pas leurs yeux. L'eau a surgi dans les rues et dans les habitations en quelques minutes à peine. Les récits sont incroyables. Pieds dans l'eau et raclette à la main, c'est un reportage de Sonia Boulanger. Tout est foutu, je crois que on a la voiture, tout. Je ne sais pas comment on a fait. Les 50 premiers centimètres ont mis à peu près, la porte de garage s'est arrachée, l'eau a commencé à monter, et puis à un moment donné, on a vu une vague qui est arrivée, un genre de mini tsunami. Et c'est arrivé en 5 minutes, la cave est montée à 1m40, 1m50 à peu près d'eau. Argimon, même constat pour les 25 familles locataires des appartements de la Faménoise, une société de logement de service public. Ce sont surtout les locataires du bas qui ont été touchés. Bah ici, tout est cassé, moi. J'ai plus d'appartement, rien du tout. Je suis à la rue. Non, ils ne seraient pas rentrés dans leur logement. On va aller le contacter un par un pour voir s'ils ont des solutions dans leur famille dans un premier temps. Isabelle André, directrice gérante de la Faménoise. Et puis on va regarder avec les services sociaux, avec le CPS et le bourgmestre, pour voir des solutions plus durables. En attendant, des équipes de nettoyage s'activent pour faire disparaître les traces d'une nuit agitée dont certains locataires se souviendront encore longtemps. On m'a pris sur le dos. Oui, elle dit, ils m'ont pris sur le dos, ils m'ont mouillé les fesses pour les mettre justement dans les barques, quoi. Ici, tout le monde espère une météo plus clémente pour les heures à venir. Le reportage de Sonia Boulanger avec Vincent Brichet. Les indices, la grève est finie. Les autres noms, les sons de cloche sont différents au sein des mêmes syndicats de cheminots pour les Bruxellois de la CGSP et de la CSC. Le mouvement est terminé, reprise du trafic ce soir à 22h. Mais les représentants nationaux estiment que rien n'est décidé, absolument rien. Ils attendent les résultats d'une réunion à laquelle ils participent en ce moment même. On n'est pas là pour partir sans aucun résultat positif. Aucun mot d'ordre n'a été décidé, insiste la CGSP. Et dans les Bustec, la circulation est à nouveau fortement perturbée aujourd'hui. Le personnel se réunit aujourd'hui en Assemblée Générale dans les différents dépôts du pays. 250 candidats réfugiés secourus au large de la Crète après le naufrage de leur embarcation. La Crète, nouvelle voie utilisée par les passeurs. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, au moins 700 personnes se trouvaient à bord. Si c'est votre rêve, échanger quelques balles avec un diable rouge. Dites-vous que quelques enfants ce matin ont vécu votre rêve. Ils se rendent dans une dizaine d'écoles aujourd'hui, nos diables. Les enfants de l'école communale Les Rives du Vin à Braine-le-Château ont eu la chance. Ils ont gagné le concours Ouf TV grâce à leur projet social. Il fallait rencontrer plusieurs fois par mois des personnes âgées. Et aujourd'hui, un match a eu lieu dans la cour de l'école. Eden Hazard a joué en compagnie des enfants, en compagnie aussi d'une pensionnée. Et le capitaine des Diables était plutôt impressionné. Elle a plutôt pas mal joué d'ailleurs, honnêtement. Elle était assez speed. Et non, c'est bien de voir les générations qui se mélangent. Les jeunes d'un côté, les plus âgés de l'autre. Voilà, on est souvent séparés, on ne connaît pas vraiment les personnes âgées, sauf nos grands-parents. Mais voilà, on peut voir qu'en fait, on a beaucoup de choses en commun et que... Non, c'était plaisant. Franchement, c'était une matinée enrichissante pour tout le monde, je pense. Et donc, il n'y a pas d'âge pour aimer jouer avec Eden Hazard. C'était une interview signée Arnaud Montero. Les Diables qui rechaussent les crampons ce soir à 17h pour un nouvel entraînement. Caroline Gillet, il y a un accident sur l'autoroute 411. Oui, dans le sens Luxembourg-Namur, à hauteur d'Hôtel-Bas, la voie de gauche est neutralisée, donc en direction de Namur. Et puis suite à un camion en panne tout à l'heure sur le 40 Bruxelles-Gand à hauteur de Wetteren, il y a des files depuis Herpemer, même si à présent la chaussée est dégagée en direction de Gand. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Jusqu'à 13h, on n'est pas des pigeons. Merci Delphine, bel après-midi. Jusqu'au 5 juin, profitez des conditions printemps sur les châssis et portes Bellisol en PVC, aluminium et bois. Rendez-vous dans l'un de nos showrooms ou sur bellisol.be. Bellisol. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons. Au programme de cette deuxième heure, nous allons continuer côté cuisine. Alors, on a frappé fort avec la bonne lasagne du chemin tiramisu. On va taper encore plus fort avec vous, Carlo, et nos fameux repas à 1,50€. Ben justement, je vais avoir difficile de... Je suis content de ne pas l'avoir amené, et Marcette, et de vous la réserver pour la télé tout à l'heure. Vous aurez oublié toutes ces bonnes lasagnes, parce que la recette à 1,50€ le couvert, c'est difficile en compétition avec des recettes à 9€. On fait quoi aujourd'hui alors pour 1,50€? On fait une petite salade tiède de pommes de terre au cerfeuil, laitue et cervelas. D'accord. Si votre caddie vous disait quelque chose, hein, ce sont... S'il parlait. Si vous disiez que les articles sont en promo quand vous passez à côté, quand vous faites vos courses, ça vous intéresserait? Bah, oui, c'est toujours bon à prendre. Ouais, ben, c'est un concept que Carrefour va tenter. On aura le porte-parole pour nous dire exactement comment ça va se passer. Il y aura le tip-top des infos concon, des infos sociaux aussi, les cas résolus pendant la semaine. Et vos messages sur la page Facebook, pourquoi pas? Oui, sur notre page, on n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi envoyer un mail. L'adresse, c'est pigeons au pluriel @rtbf.be ou laisser un message sur le répondeur 070 222 660. Côté musique, il y aura ça. Et le ça, eh bien, ce sont Frérot de la Vega avec Autour de toi. Côté souvenir, quelle bouche? Ça, mais alors là, c'est une tuerie, ce morceau. Elle va bien, Kate Bush, elle travaille plus, mais elle va bien. Elle va bien. J'ai des nouvelles, je sais pas, j'ai entendu ça. Elle a plus besoin de trop travailler non plus avec tous les tubes qu'elle a fait pendant les années 80. Vous entendrez ça d'ici 13h. Pourquoi? Parce qu'on est ensemble encore jusqu'à 13h. Jane sur Vivacité avec le titre Comme. On n'est pas des pigeons. Carlo, on remet le couvert et on tente à nouveau cette expérience de fou de proposer une recette à 1,50€ le couvert. On a déjà fait quoi ? On rappelle à nos auditeurs qu'on a déjà fait. Je m'en souviens, moi. On a déjà fait des boulettes aux pâtes. Oui, on avait fait juste des boulettes aux pâtes qui étaient une recette que j'avais exhumée de la période 14-18 d'un manuel de c'était la, bon, de la c'était bonne ménagère. Oui, c'était bon. Pâtes. C'était particulier. Ça m'a demandé, c'était bon. Pas envie, c'est un peu comme si tu avais des vers de terre qui sortaient de ta boulette. Mais c'était des spaghettis. Tu donnes de la consistance et de l'épaisseur à ta boulette avec peu de viande puisque tu as mis des spaghettis cuits dedans. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Je ne me souviens plus non plus. Oh là là, on vient vieux. Ah si, j'ai fait un gratin de chou rave qui venait avec. Ouais. Mais avec quoi venait-il ? Et les gars, il va falloir demander aux auditeurs de nous aider. Sinon, c'est sûr, en suivant le fil Facebook de l'émission, on retrouve, il y a à peu près 1000 posts. Bref, voilà. Aujourd'hui, on fait quoi ? Aujourd'hui, je ne sais plus. D'abord, on dit que c'est pas facile une recette. Mais non, à 1,50€. C'est pas facile parce que effectivement, mais c'est de ma faute si c'est pas facile. C'est parce que il faudrait peut-être que je change un peu le paradigme à la belge habituelle, c'est-à-dire cette habitude qui consiste à faire protéines, donc sous forme de viande ou de poisson, féculents et légumes. Je pense qu'il va falloir changer un petit peu de ça. Et je me propose d'ailleurs à la rentrée de continuer à faire ce genre de choses, mais vous verrez parfois apparaître des légumineuses, qui sait, des protéines... Il y a Siri qui s'en mêle. Ce que vous entendez, c'est Carlo qui joue avec son téléphone tout en parlant. Mais je ne joue pas, il y a mon texte dessus. Et donc, faire deux choses en même temps. Non, c'est impressionnant. Donc en gros, vous nous dites que pour manger bon et pas cher, il faut absolument changer les habitudes. Il faut un petit peu changer ses habitudes. On rappelle les bons principes pour manger pas cher. Et oui, et manger pas cher, c'est pas forcément acheter des produits de marque blanche, bien entendu. Hein. C'est d'acheter des produits surtout de saison, des légumes de saison, d'augmenter la proportion de légumes dans les assiettes, de réduire, je l'ai dit, les protéines animales. Et alors, un truc aussi pour bien manger pas trop cher, c'est d'avoir un placard bien garni. Pas le frigo, le placard, avec des conserves de poisson notamment, avec des pâtes, avec du riz, avec des céréales, des pseudo-céréales comme le quinoa, ou même des flocons d'avoine, des tas de choses qu'on trouve maintenant dans les magasins bio. En bio, c'est un petit peu plus cher. Utilisez tout jusqu'au bout. Commencez à acheter en vrac, c'est de plus en plus souvent possible d'acheter en vrac plutôt que d'acheter des trucs suremballés. Quand vous avez, parce que bien manger c'est pas uniquement, comme dirait un distributeur, bien acheter, c'est aussi bien conserver. Et donc ça veut dire que quand vous emballez les marchandises, vous les emballez convenablement, comme ça vous pourrez les réutiliser et acheter le moins possible de produits transformés. Le fromage râpé, par exemple, bête exemple, eh bien, vous payez 15€ le kilo, parfois, du fromage râpé, alors que vous paieriez 5, 6, 7€ le kilo pour un fromage équivalent non râpé. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on apprend à faire tout ça ? Comment est-ce qu'on se familiarise avec le manger pas cher ? Simple, hein. On s'informe et, notamment, on se souvient du regretté Jean-Pierre Coff, qui nous a fait plein de bouquins, plaisir à petit prix, ouais, dessert à mini prix, parce que Jean-Pierre Coff, c'était pas l'apologie de la bouffe bobo et chère et des viandes maturées, c'était l'apologie du saisonnier pas cher. Et finalement, il nous manque, hein. Pas finalement, il nous manque parce qu'il avait vraiment un sens de la propos incroyable par rapport à ça. Vous avez, je vous mettrai on postera sur la page Facebook, quelques liens vers des sites intéressants par rapport à ce genre de choses. Et alors, j'ai déniché sur Arte une émission sympa. Ça s'appelle Waste Cooking. Waste, ça veut dire déchets, la cuisine des déchets. Et c'est un journaliste allemand, David Gross, qui se balade avec une Land Rover qui roule à l'huile de friture usagée. D'accord. Derrière, il a un conteneur poubelle dans lequel il a aménagé une cuisine. Il se balade dans les villes d'Europe et il apprend aux gens à cuisiner avec des restes. Alors, ma recette du jour. Oui, venons-en à la recette du jour. Goûter pour en télé, que je suis sûr que les Wallons vont appeler ça une pontée. Parce que ça ressemble à la soupe. Voilà. Donc, le principe, je prends des pommes de terre farineuses, pas trop chères. Je les cuis avec la peau. Et ensuite, je fais une salade tiède de pommes de terre. Et comment est-ce que je fais pour faire ça ? Je pèle mes patates à chaud. Et là, je mets déjà un petit peu de vinaigre et je les travaille un petit peu avec la cuillère en bois. Ça va les casser. Le vinaigre va être absorbé par les patates. Ça va donner bien du goût. Et là-dedans, je vais ajouter du cerfeuil, produit de saison. C'est ce qui va me coûter le plus cher, mon buisson de cerfeuil, qui va me coûter 1,70€. C'est le poste probablement le plus cher. Je vais ajouter également des cornichons et je vais ajouter un cervelas. Un beau cervelas de la friterie. Voilà, que je vais débiter en cubes. Mais donc, avec 50 grammes de cervelas par personne, il y

comment vont fleurir nos jardins sous les fruits du hasard. N'as-tu vraiment qu'un souvenir au fond de toi? Combien de pleurs, comment vont grandir nos rêves perdus dans ces milliards. Un jour la vie te fera sourire juste à la la la la way. Sous la pluie, sous le vent, mon cœur s'agite, est-ce que t'entends? C'est puis, est-ce que tu sens? Est-ce que tu sens? Je pleure, tu ne me vois pas. Je crie, tu ne m'entends pas. Je souffre, tu ne sens même pas. Sous tes pieds, juste là. Je pleure, tu ne me vois pas. Je crie, tu ne m'entends pas. Je souffre, ne m'oublie pas. Juste là. Sous la pluie, sous le vent, mon cœur s'agite, est-ce que t'entends? Est-ce que t'entends? Sous la pluie, au fil du temps, mon corps s'épuise, est-ce que tu sens? Frérot de la Vega sur Vivacité avec Autour de moi. À direction les magasins Carrefour, Samy Carrefour, qui teste le caddie connecté. C'est quoi ce truc-là? Bon, alors vous connaissez le bed caddie où il faut mettre une pièce pour le prendre et puis on prie pour qu'il roule bien, surtout... C'est pas la roulette coincée ou que ça couine, là. Exactement, moi ça m'arrive souvent chez Colruyt, d'ailleurs, pour pas le citer, où il faut se battre avec son caddie pour qu'il file droit. Bon, ben, je m'égare un petit peu. La révolution, c'est le caddie connecté pour faire ses courses sans rater une promo. Alors, les premiers tests ont lieu à l'hypermarché Carrefour de Lille. En gros, le caddie est équipé d'un iPad permettant aux marques d'attirer l'attention du client sur les produits. Ouais. En promotion, évidemment. Alors, exemple, vous passez devant votre casier de bière en promo et ça fait bip bip. Ouais, j'imagine que c'est ça, j'ai pas vu les images. Donc. C'est pas bête car selon une étude, 69% des décisions d'achat sont prises dans le point de vente. D'accord. Et 55% des consommateurs découvre les nouveautés en magasin. On va en parler justement avec le porte-parole de Carrefour qui est avec nous au téléphone. Bonjour Baptiste Van Otrive. Bonjour. Alors on va voir ces caddies en Belgique un jour. Aujourd'hui, c'est un test qui est mené en France pour un public français qui est un autre client qu'un client belge. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas l'intention de faire ce même test en Belgique, mais on attendra bien évidemment le résultat de ce test en France avec impatience. Mais en même temps, c'est à Lille, hein, donc le comportement des consommateurs du nord de la France, ça ressemble très fort au comportement qu'on a nous ici côté belge, donc ça peut arriver finalement. Il y a quand même des grosses tendances différentes entre le Belge et le Français, que ce soit un Français du Nord ou pas, mais il y a quand même des différences. Et on verra bien évidemment ce que ces tests donneront en France. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas le tester en Belgique. Non. Mais par contre, vous avez une application en test, hein, je crois, du côté de Liège ou de Bons, je crois. Hein, et c'est une application qui fonctionne plus ou moins de la même manière. On a une application effectivement à Mons et dans d'autres magasins qui est utilisée, qui vous permet déjà en premier lieu de scanner le produit avec cette application, mais également de recevoir des messages promo dans le magasin si vous le voulez, bien évidemment, si vous le choisissez comme client, si vous le voulez oui ou non. Mais là, si vous êtes par exemple en boucherie, on pourrait vous avertir qu'on a une promo dans ce rayon-là, ce jour-là. Vous n'avez pas peur que vos clients en ont marre d'être envahis de pubs comme ça? Ben voilà pourquoi on donne le choix au client. Donc normalement, ce n'est pas prévu, mais le client, s'il veut, il peut l'activer. Et donc, quand il l'active, il aura les messages. Mais s'il ne l'active pas, bien évidemment, il ne l'a pas. Mais on est obligé aujourd'hui, en tant que grand distributeur, de jouer avec les technologies modernes. On doit plus contenter des gens qui ont simplement le papier et le bic avec la liste des courses. Il faut jouer avec tout ce qui est applications, smartphones et autres gadgets, j'ai envie de dire. Mais il faut suivre la nouvelle technologie, mais par contre, cette nouvelle technologie ne peut pas nous amener vers une situation Star Wars. Ce que nous devons faire, c'est donner un service au client, et donc cette technologie doit servir le client à mieux le servir finalement. Et donc, ça peut être par exemple par une extension de gamme, ou c'est pour lui donner plus d'informations s'il le souhaite, ou si c'est pour lui donner, par exemple, des promotions s'il le veut. Mais il y a d'autres, on ne va pas créer un Star Wars quelque part en magasin, parce que le client, il veut faire ses courses, il doit les vivre. vivre. Et il y a encore une dernière raison peut-être, quand on utilise la technologie ou cette nouvelle technologie, bah, c'est pour diminuer le papier, donc travailler sur la durabilité. Donc on a par exemple sur ce magasin de Mons, on a remplacé des tonnes de papier par 140 écrans et ça diminue également le nombre de messages qui sont communiqués en magasin. Voilà, donc on a compris en même temps avec le petit bruit que vous êtes à la caisse 12 et qu'on appelle Ginette en renfort. Merci Baptiste Vanotrive. Ceux qui nous écoutent et qui veulent tenter ces caddies, il faudra aller jusqu'en France, à Lille, pour tester le nouveau caddie connecté. Caddie qui devrait être très sécurisé parce qu'avec un iPad sur le caddie, il ne faut pas partir avec. Et puis on retiendra aussi la précision, 100 euros de caution. La précision géographique de Samy qui dit dans un magasin à Liège, à Mons. Virgule. Non, ça va, t'étais gaulé, fieur. Être étonné par la date de sortie de ce morceau. Je pensais que c'était dans les années 80. Mais en 1978. Ah, tu vois. Ouais. Kate Bush avec What the Run Eyes. J'en ai marre des titres anglais qui sont compliqués. Ouais. Oh, Kate Bush, on retiendra que c'était Kate Bush et que c'était bien. Et on retiendra aussi que c'est Manu Delporte qui arrive pour les titres de l'info. Le dimanche matin sur Vivacité, ce sont les enfants de cœur. Et c'est ça qui est drôle. Excellent. Les enfants de cœur. Vous êtes vraiment de n'importe quoi. Tous les dimanches, de 9h à 10h30, sur Vivacité. Vivacité et la ville de Liège présentent Liège Italia, un véritable village italien au centre de Liège. Produits du terroir, danse folklorique, chanteurs italiens, rassemblement de véhicules typiquement italiens dans le cadre des 70 ans de l'immigration italienne, exposition, un avant-goût de vacances, du 1er au 5 juin, place Saint-Lambert. Jean-Fils actuellement chez Jean-Fils, conditions irrésistibles sur chauffage, poêle à bois et pellets, solaire climatisation et pompe à chaleur. Profitez de nos conditions printemps, remises complémentaires et de nombreux cadeaux offerts dans tous nos départements. Jean-Fils et les Angry Birds, ouais. Vous allez être contents. Ça m'étonnerait. Si, maintenant il y a une prime de reprise exceptionnelle sur le Citroën Grand C4 Picasso. 7 places avec sa nouvelle boîte automatique. Ouais. Les Angry Birds retrouvent leur bonne humeur grâce aux offres Citroën. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Angry Birds, le film uniquement au cinéma. Le circuit de Spa-Francorchamps, un lieu mythique pour se retrouver en famille. Avec des amis ou entre collègues, et vivre ensemble des sensations inoubliables. À la recherche d'un cadeau original pour la fête des pères, offrez-lui un baptême de piste. 2 tours aux côtés d'un de nos pilotes et 2 tours au volant de sa propre voiture en toute sécurité. Info sur www.spa-francorchamps.be. Il se passe toujours quelque chose au circuit de Spa-Francorchamps. En plein cœur de la plus belle des régions. Avec Poincaré, sortez-vous pour l'été. Du mercredi 1er juin au dimanche 12 juin, bénéficiez de moins 30% sur votre deuxième short. Offre valable sur les assortiments hommes, dames et enfants confondus. Voir conditions en magasin. Et pour toi, qui a le meilleur prix ? Le meilleur prix ? Avec le choix, la qualité et les conseils du spécialiste compris. C'est chez Big Mat, bien entendu. Alors, cette semaine, ne ratez pas leur folder de promo dans votre boîte aux lettres et sur bigmat.be. Big Mat, bien plus que des matériaux. Vivacité Tour des sites organisation présente Soleil Noir, un spectacle son et lumière bouleversant qui retrace l'arrivée après la guerre des premiers Italiens dans nos mines de charbon. Rendez-vous le 4 juin à Blénimine pour plonger dans l'émotion. Spectacle gratuit. Info tourdesites.be. Avec l'avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT. Il est midi 30. Les titres du journal avec vous, Manu Delporte, bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Eh bien, à 13h, on reviendra évidemment sur les inondations qui ont touché la province de Luxembourg cette nuit, avec des dégâts importants autour de la Ouam et de la Masblette, deux petits affluents de la Lomme. On a retrouvé le corps sans vie de l'apiculteur de 60 ans qui a voulu sauver ses ruches hier soir et qui a été emporté par le courant. On ira aussi voir comment ça se passe en France, où le pic de crue de la Seine est attendu ce vendredi. On protège les barges, la navigation est interdite, deux musées sont fermés par mesure de précaution à Paris. Les inondations ont déjà fait deux victimes en France. L'autre nouvelle du jour, c'est la reprise du trafic à la SNCB ce soir. Les syndicats ont apparemment décidé de reprendre le boulot en assemblée générale hier, mais ce n'est pas hyper clair, il faut bien le dire. Une réunion se tient en ce moment entre syndicats et la direction de la SNCB. À l'entrée de la réunion, les syndicats affirmaient que le combat continuait. On tentera de faire le point et d'éclaircir tout ça à 13h. On ira aussi faire un tour à Braine-le-Château, à l'école communale. C'est là qu'Eden Hazard et deux autres Diables Rouges ont rencontré des enfants et des personnes âgées ce matin. Arnaud Montero était sur place. Figurez-vous qu'Eden Hazard a joué au foot avec une vieille dame et qu'il a été très impressionné par la forme physique de la mamie. On en reparle à 13h. À tout à l'heure, 13h, Manu. Tomorrow. surrounded by the stars and the views high. Ain't nobody thinking about what you got. Everything's eyes. Wanna dip, get a new spot. Yeah, don't worry, don't worry. Night never ends, no hurry, no hurry. Shorty look thick so the lines get blurry. And the nights in your palms, or we might get dirty. DJ, let the beat play, make a heat wave when you replay this. Tonight we gon' party like it's DJ on the free, saying it's the one on my CK shit. The moon is the light, the sky's the ceiling. Low is the bass and the high is the feeling. The world is a club, ballin', cause we can. This one for the books, don't worry about a thing. Matt Cohn sur Vivacité, t'inquiète pas, don't worry. 11h, 13h, on n'est pas des pigeons. Et ne pas s'inquiéter, c'est ce qu'on vous dit régulièrement quand vous avez un souci avec un service après-vente, avec un commerçant qui ne répond pas à vos appels. On ne s'inquiète pas, ça ne sert à rien de s'énerver. Si ça ne va vraiment plus, vous contactez On n'est pas des pigeons et on peut peut-être débloquer la situation. C'était notamment ce qu'on a fait avec Michel. Hein, lundi, il avait un souci avec une taxe de circulation perçue par la région Wallonne. Il devait être remboursé d'un excédent depuis 2014. Malgré ses appels et ses mails, il attend toujours ses 250 €. Donc on a joint la porte-parole du ministre compétent et tout est rentré dans l'ordre. Écoutez. À l'heure actuelle, la note de crédit a été créée. Elle va être expédiée chez M. Guélen. Il va la recevoir dans le courant du mois de juin. Et dans la foulée également, dans le courant du mois de juin également, le remboursement donc de 257,73 €. Et paf, et dès qu'on peut récupérer de l'argent de l'administration... On va pas se gêner. Cette semaine, il y a Maryse aussi qui avait un petit souci avec Proximus. Elle a quitté l'opérateur parce qu'elle déménageait. Et 4 ans plus tard, elle décide, lors d'un nouveau déménagement, de revenir chez Proximus. Le souci, c'est qu'en revenant, elle s'est rendue compte que la société lui réclamait 325 € pour un décodeur qu'elle n'aurait pas rendu, ce que Maryse niait complètement. On lui avait donc facturé la location de ce décodeur pendant 4 ans. Un petit coup de fil à Proximus et boum, réglé. On a eu un problème, il s'agit d'une erreur d'encodage informatique. Hein. Ici, on a bien reçu le matériel, on a la trace du retour des appareils en magasin. Donc Maryse dit vrai quand elle dit qu'elle l'a rendu. Oui, tout à fait, bien sûr. On n'en doutait pas, évidemment. Il a été désactivé d'une facture électronique et c'est la raison pour laquelle il y avait une facture en cours, puisque ce sont des factures électroniques que vous n'avez bien entendu pas reçues. Mais elles se sont accumulées sans que le système ne réagisse. Donc là, c'était le problème était à ce niveau-là. Et elles ressortent alors subitement quand Madame Maryse redevient cliente. Absolument, donc elle redevient cliente et le système informatique donne une facture restante qui n'est pas justifiée. Donc c'est une erreur malheureuse. On a maintenant fait le nécessaire et donc il y a une note de crédit qui a annulé la facture. D'accord. Et donc maintenant tout est réglé, tout est en ordre. Tout est en ordre, mais c'est pas pour ça que Maryse va rester chez Proximus. Elle nous l'a dit haut et fort, pas question. Non. C'est drôle, là-dedans. Ouais, si, si. Non, ils sont excusés avant. Oui. Arrête de râler. Ils se sont vraiment excusés. Si vous avez des petits soucis dans la vie de tous les jours avec n'importe quoi, je le dis, c'est souvent un service après-vente, un site internet qui ne répond pas, une administration, n'importe quoi. Vous pouvez nous résumer votre histoire. Il n'est jamais trop tard. Oui, vous pouvez le faire sur la page Facebook On n'est pas des pigeons. Par mail, vous envoyez ça à pigeon@rtbf.be ou vous nous racontez votre histoire sur le répondeur 070 222 660. Veillez bien à ce qu'il y ait du réseau. Parce que cette semaine, 4 messages perdus à cause de ça. Personnes que... Oui, c'est dommage. Écoutez, prochaine fois, on vous diffuse les messages qu'on reçoit et vous allez voir ce que ça donne. Comme ça, ça vous conscientisera qu'il faut lever le bras. Oui, c'est ça. Toujours mieux pour faire antenne. Donc voilà, on va passer à la suite. Et la suite, c'est les infos concons et les infos soso. C'est le tip top et c'est dans quelques minutes. Partie plongée, la bonbonne d'oxygène vous tombe sur l'orteil. Même ce que vous n'avez pas imaginé, nous y avons pensé. Votre assurance voyage à partir de 20 €. Europassistance.be, you live, we care. Prolongez l'été avec MSC Croisières. Réservez dès maintenant votre croisière d'automne pour vivre l'été indien en Méditerranée. À partir de 399 € par personne. Conditions en agence ou sur msccroisières.be. Ce n'est pas n'importe quelle croisière. C'est une croisière MSC.

Je te pardonne, c'était en duo, mais enregistré dans des studios différents, donc ils ne se sont jamais vus, mais en duo quand même, Maître Gims et Sia. Deep Top. Ah, vendredi, ouais. Fin de semaine, on se lâche. Tip Top, des infos concon, des infos soso, infos un petit peu farfelues. Retrouvez Sia là, au gré de mes aventures internet. Nous allons commencer par une info retrouvée sur le site de Jackie et Michel. Ah Attends, je tourne la page et on commence avec le numéro 5. Numéro 5. On prend la direction de l'Australie. On est à Melbourne pour l'ouverture du restaurant Joe and Lemo. Alors, c'est pas la première fois que ce genre de resto ouvre. Il y en a un à Londres qui cartonne aussi. Particularité de ce restaurant. C'est le truc, on est à poil. Voilà. Non. Vous êtes, c'est naturel, tout le monde est à poil. Vous êtes prié de laisser vos vêtements à l'entrée. C'est le premier en Australie. Il y a déjà 30 000 personnes qui sont sur la liste d'attente. Comment ça s'appelle? Joe and Lemo. Il faut y aller tout nu. Et c'est donc, et c'est pour ça que je vous en parle, c'est donc dans la ville de Melbourne. C'était juste pour ça. Melbourne sur la chaise. Ça doit être drôle d'aller manger tout nu dans un resto, non? Non. Si vous voulez faire une blague à une collègue, je t'invite à bouffer. Moi, je me fais régulièrement des tâches. Eh bien, l'occasion pour ne plus me faire des tâches. Ah oui, vu comme ça. Vu comme ça, on est d'accord. Numéro 4. Direction l'Écosse avec une étude qui interpelle le gouvernement. Une étude menée par le service de santé publique britannique qui nous dit que la consommation d'alcool des Écossais a augmenté. Ah tiens. Et alors, moi je pensais que les Écossais ils buvaient du whisky. Pas du tout. Mais c'est non. Eh ben non, c'est la vodka. Visiblement, c'est la vodka. Allez. Oh ouais. Et en 2015, moins cher. 57 millions de litres de vodka en 2015. Je vous dis que c'est interpellant, ça fait 41 bouteilles de vodka par an et par habitant. Mais non. Non, 41 bouteilles. Ouais, ils sont vraiment là, ils sont un petit peu embêtés parce qu'ils se disent qu'est-ce qui se passe. Tu m'étonnes. Tu 41. Non, mais c'est. Il y a une erreur dans les chiffres. Non, il y a pas une. Non, c'est le service. Ou alors c'est le service de santé publique qui aussi était bourré quand il a vu l'enquête. C'est possible. N'en sais rien, mais là pour l'instant les chiffres c'est interpellant. Numéro 3. On part partout dans le monde. Là, on s'arrête à New York avec un glacier new-yorkais. Je vous passe son nom. Oh si, allez, je me lance. Morgenstern's Finest Ice Cream. Qui a une idée de développer une boule de glace particulière. Ah non, les glaces noires. Ouais. C'est le truc à la mode. Couleur noire qui est effectivement une couleur inattendue pour de la glace et qui est hyper tendance en ce moment. Oui. Une glace composée de coquilles de noix de coco brûlées mélangées à du lait de coco, des flocons de noix et de la crème de noix de coco. Il n'y a pas du sésame dedans, c'est ça? Et la cendre de noix de coco, c'est ça qui est à la mode, qui donne la couleur noire. Sorte de charbon actif aux propriétés détoxifiantes. Allez, c'est parti. Ils nous ont casé du détoxifiant même dans la glace. Qui a le goût de la vanille. C'est combien ça? Je sais pas, ils donnent pas le prix, mais si t'aimes pas le coco, faut oublier ces trucs parce qu'il y a que du coco. Et la noix de coco, jamais entière. Hein. Non. Ou alors, qui mange une noix de coco, fait confiance en son anus. Hein, ça, c'est le dicton, je ne sais plus de quel pays, mais c'est un dicton, ma foi, fort réaliste. Et alors, détoxifiant. Numéro 2. Là, on s'arrête dans la gare d'Anvers, où la marque Frisk a installé une drôle de machine dans la gare. Elle s'appelle The Brutality Honest Breath Meter. Ça calcule votre haleine. Tu souffles dans un truc, ça calcule ton haleine, et en fonction de ton haleine chargée, il y a des bonbons qui tombent. Il y a plus ou moins de bonbons mentholés qui tombent. Et à propos de charbon actif, on pourrait imaginer le processus inverse. Et il calcule tes effusions de méthane et il te donne une petite cuillère de charbon actif. Bien, mais évidemment, vous savez quoi ? Vous qui avez une âme d'entrepreneur, je vous propose de développer ce concept. Je vous jure que Carlo, on vous suit. Hein. Sur ce coup-là, on vous suit. Numéro 1. Et on termine avec un monsieur originaire de la région de Hanu qui vend sa collection de Lego. Sur le site secondemain.be, 200 000 vues en 4 jours. Il y a 2000 modèles. Il y a une tonne de Lego dans sa collection.

we're exploring what you think is worth the sum adoring. You don't want the truth, truth is boring. I got this fever, need to... Robbie Williams, ça. En 2005 déjà, hein, avec le titre Tripping. On va terminer sur la page Facebook, mais avec un coup de cœur. Est-ce qu'on a un coup de cœur, Aurore ? Oui, Fabienne. D'accord, tout de suite avec Fabienne alors. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Pas des pigeons. Direction la page Facebook, je vous le disais, pour y lire, non pas le coup de gueule comme toujours la semaine, puisqu'on est vendredi, ce sera le coup de cœur. Fabienne, hein, vous avez dit ? Oui, c'est ça. C'est super gentil, nous dit qu'est-ce Fabienne. Qu'elle dit, Fabienne ? Super gentil à ce monsieur qui s'appelle monsieur Verhagen et qui est venu faire un bilan énergétique gratuit chez moi. Ils sont super compétents à la Maison de l'énergie, c'est à conseiller. Elle nous donne le site Maison Énergie. Puisque c'est dans les deux langues.be. Voilà, bah écoutez, il y a des gens gentils, autant les mettre à l'honneur, n'hésitez pas non plus à le faire. On en a besoin, des coups de cœur, des coups de gueule aussi, hein. Cela dit, on prend tout, on prend les bons plans, les astuces, on prend tout, absolument tout. Les pourboires aussi. Et on lit tout, les insultes, tout, non. On lit tout. On ne répond peut-être pas à tout, mais on lit tout. N'hésitez pas à nous laisser des messages sur la page Facebook ce week-end. Hein. Oui, on n'est pas des pigeons pour la page Facebook. Pigeons au pluriel @rtbf.be pour l'adresse mail. Le répondeur 070 222 660 et vous laissez bien un numéro où on peut vous rappeler. J'ai une idée. Si on allait préparer la télé et retrouver les gens... À 18h30. Carlo. J'ai une potée à préparer. Il y a une potée à préparer, effectivement, pour 1,50€. Là, en radio, on va passer l'après-midi avec vous, Sylvie Honoré. On va parler de culpabilité. Culpabiliser, à quoi ça sert ? Voilà une bonne question. Hein. Il n'y a peut-être pas beaucoup, à mon avis, qui vont nous dire « à rien, Sylvie ». J'ai compris que ça ne servait à rien. Ceux-là, ils sont sur le bon chemin. Mais à mon avis, 99% de personnes qui vont dire « ah, ça c'est une bonne question, Sylvie ». Comprendre le rôle de la culpabilité sur notre chemin d'évolution nous permet peut-être de nous en défaire. Mais en tout cas, c'est notre invité qui vous le dira cet après-midi, Jean Clezon. Il est kinésiologue. En fait, il serait plus juste de dire, ai-je lu en préparant notre émission, choisir de la laisser tomber. Ça, c'est plus judicieux de dire, est-ce que je choisis ou pas de laisser tomber ma culpabilité ? Parce que rester dans la culpabilité, c'est parfois un choix. Parfois, du moins, pour ceux qui entendront ça et qui comprendront ce qu'on va leur dire aujourd'hui. La culpabilité est peut-être aussi parfois une conséquence d'un non-choix, d'un non-positionnement. On décide ou on fait quelque chose et puis finalement, après, on a des regrets. On dit, si j'avais su... Et je ne serais pas venue. On se dit qu'on n'a peut-être pas fait le bon choix, que d'autres ne vont pas être d'accord avec nous et on le regrette dès que cela nous amène de l'inconfort. Alors je demande aujourd'hui aux auditeurs de venir nous dire sur quoi ils culpabilisent. Parce qu'on a quand même des domaines de prédilection en matière de culpabilité. Il y en a qui vont culpabiliser un peu trop par rapport à leurs enfants en disant « je ne fais jamais assez bien, ah, c'est pas assez ce que je fais ». Il y en a qui vont culpabiliser à propos de leurs parents. En disant, ouais, c'est moi leur enfant, donc finalement, c'est à moi qu'il revient d'eux. Alors là aussi, on vous demande. Il y en a qui vont culpabiliser un peu trop par rapport aux finances, en disant, ah ouais, mais j'ai fait une mauvaise dépense, là. Et voilà, ça va faire, pendant tout le mois, je vais ruminer cette dépense. Donc venez nous dire sur quoi vous culpabilisez. Et avec notre invité, on essaiera de voir... D'abord, comment vous culpabilisez ? Est-ce que vous verbalisez ça ? Est-ce que vous ruminez ça ? Comment est-ce que vous verbalisez cette culpabilité ? Et puis, on essaiera de trouver des solutions. C'est un petit peu comme ça qu'on mène les émissions tous les jours, entre 13h et 15h. Ce sera juste après le journal de 13h et juste après le point météo de Denis. Vous pouvez donc déjà commencer à nous poster quelques messages au 30 63 ou par téléphone 070 23 33 23. À tout de suite. Qu'il fasse froid, qu'il fasse bon, les pompes à chaleur Daikin chauffent ou rafraîchissent la maison. Découvrez tous les avantages des pompes à chaleur Daikin sur daikin.be. Bonne journée à tous. Cet après-midi, retour d'éclaircies à partir de l'est, mais aussi à nouveau un risque d'averses orageuses et des orages localement qui pourraient être soutenus sur l'est et le sud du pays. Les maxima iront de 16 degrés en Ardennes jusqu'à 22 en Campine, 17 à 18 sur l'ouest du pays et seulement 13 au littoral. La nuit prochaine, retour à nouveau à un temps calme et brumeux. Puis demain, il fera encore un peu plus doux, mais dans le courant de la journée, à nouveau, le risque orageux augmentera. écoutez Viva, il est 13h. Les inondations en Belgique hier soir. Deux affluents de la Lomme sont sortis de leur lit avec des dégâts très importants et une victime. Le corps de l'apiculteur qui a tenté de sauver ses ruches hier soir a été retrouvé ce matin. Des trains de nouveau en circulation demain. Le préavis en tout cas prend fin ce soir. Pas sûr pour autant que le climat se réchauffe entre direction et syndicat du rail. Ils sont en réunion en ce moment. Nous irons faire un tour aussi à l'école communale de Braine-le-Château où ce matin, trois diables rouges sont venus rendre visite aux enfants. Le journal de la mi-journée, présenté par Manu Delporte. Manu, bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Des